D'où vient la mémoire? La mémoire est-elle un produit des sens ou un produit du mental? La mémoire, elle est le produit de l'activité de l'âme à travers les sens. Mais elle est aussi le produit de l'âme à travers l'émotion. La mémoire pour chez l'homme est beaucoup plus liée à l'activité de l'émotion qu'à l'activité du mental. Parce que l'homme possède une conscience encore animalisée, c'est-à-dire une conscience qui est fondée sur le principe d'une conscience expérimentale. Donc, l'homme, sa vie, tout ce qui garnit sa vie est à la fois le produit de la sensorialité et de l'émotion. Si nous pouvions donner un pourcentage, si vous voulez, à la qualité de la mémoire, on dirait que la mémoire est 85% d'ordre émotionnel et 15% d'ordre purement mental. Mais est-ce qu'il y a une partie dans la mémoire de l'homme qui lui est propre? Et est-ce qu'il y a une partie dans la mémoire de l'homme qui lui est en quelque sorte donnée ou imposée? L'homme vient au monde avec une mémoire inconsciente, parce que l'homme possède une âme, donc il possède une mémoire dont il n'a pas conscience. Et c'est de cette mémoire, ou c'est avec cette mémoire qu'il commence à vivre, qu'il commence à s'exécuter. Cette mémoire se reflète, se réfléchit dans son tempérament, son caractère quand il est jeune. Et avec les années, l'éducation, la mémoire s'ajuste, autrement dit, l'effet inconscient ou subconscient de la mémoire sur l'homme se corrige. Mais l'homme possède une mémoire acquise et il développe au cours de sa vie, il superimpose, si vous voulez, au cours de sa vie, une autre mémoire qui fait partie de ses sens et qui est directement liée à son activité émotionnelle et son activité mentale. Mais il arrive souvent dans la vie des périodes, des moments où on reconsidère toutes nos activités, toute notre expérience. Et lorsqu'on a fait ce bilan et que l'on veut repartir à zéro, on est obligé à ce moment-là de se couper des mémoires, de faire une coupure radicale avec le passé pour pouvoir se réorienter. Oui, pour qu'un homme puisse réellement recommencer sa vie, dans ce sens, prendre la vie sous son contrôle, avec la maturité qu'il a de la vie, avec les expériences du passé qu'il a vécues, l'homme, à un certain moment, doit être capable d'éliminer les aspects de la mémoire qui sont contraires à son bien-être. Et ces aspects sont multiples et ils ne sont pas nécessairement d'ordre structurel, dans ce sens que l'effet de la mémoire sur l'homme, par exemple, qui arrive à un certain niveau d'évolution et qui veut se composer une vie à sa mesure, ces aspects de la mémoire ne sont pas nécessairement structurels, dans le sens que la mémoire est une énergie. Et cette énergie, elle est toujours présente dans l'homme. Et elle peut être rendue évidente par des événements nouveaux qui feront ressurgir du passé de l'homme une énergie, donc une mémoire, une vibration. Et si l'homme est très sensible, s'il a beaucoup souffert du passé, s'il a beaucoup souffert de la mémoire, il souffrira même de la vibration de la mémoire. Les gens inconscients ne souffrent pas nécessairement de la vibration de la mémoire. Ils vont souffrir de la catégorie de la mémoire. Ils vont souffrir de la pensée de la mémoire. Ils vont souffrir la mémoire sur le plan mental ou sur le plan émotionnel. Tandis que l'homme, lui, qui est très sensible, très conscient, va souffrir même de la vibration de la mémoire. Ce n'est pas le fait de comprendre l'aspect émotif ou l'aspect mental de la mémoire qui va le faire souffrir, c'est son énergie. Et c'est une plus grande souffrance encore parce que l'énergie de la mémoire étant toujours présente,